Leçon 1. Activité 2 et 3, page 114. Piste 86. Devinez quel pays je vais visiter avant mon retour au Vietnam ? La Belgique ? Non. L'Italie ? Effectivement. Moi, je vais passer mes vacances au Canada avec mes parents. Et moi, cet été, je vais visiter le Vietnam avec mon père. Super, bonnes vacances.